Emilia, je veux perdre ce mouchoir chez Cassio et le lui faire trouver. » Des babioles, légères comme l'air, sont pour les jaloux des confirmations aussi fortes que des preuves d'écriture sainte. Ceci peut faire quelque chose. Le mort change déjà sous l'influence de mon poison. Les idées funestes sont par leur nature des poisons qui d'abord font à peine sentir leur mauvais goût, mais qui, dès qu'ils commencent à agir sur le sang, brûlent comme des mines de soufre. Je ne me trompais pas. Tenez, le voici qui vient. Ni le pavot, ni la mandragore, ni tous les sirops narcotiques du monde ne te rendront jamais ce doux sommeil que tu avais hier. Entre Othello. Ah, fausse envers moi, envers moi. Allons, qu'avez-vous, général? Ne pensez plus à cela. Arrière, va-t'en, tu m'as mis sur la roue. Ah, je le jure, il vaut mieux être trompé tout à fait que d'avoir le moindre soupçon. Qu'y a-t-il, monseigneur? Quel sentiment avais-je des heures de luxure qu'elle me volait? Je ne le voyais pas, je n'y pensais pas, je n'en souffrais pas. Je dormais bien chaque nuit, j'étais libre et joyeux. Je ne retrouvais pas sur ses lèvres les baisers de Cassio. Que celui qui est volé ne s'aperçoive pas du larcin, qu'il n'en sache rien, et il n'est pas volé du tout. Je suis fâché d'entendre ceci, général. J'aurais été heureux quand le camp tout entier, jusqu'au dernier pionnier, aurait goûté son corps charmant, si je n'en avais rien su. Oh, maintenant, pour toujours, adieu l'esprit tranquille. Adieu le contentement. Adieu les troupes empanachées et les grandes guerres qui font de l'ambition une vertu. Oh, adieu. Adieu le coursier qui hennit, et la stridente trompette, et l'encourageant tambour, et le fifre assourdissant. Adieu la bannière royale et toute la beauté, l'orgueil, la pompe et la tiraille de la guerre glorieuse. Et vous, instrument de guerre, dont les gorges rudes contrefont les clameurs redoutées de l'immortel Jupiter, adieu. La tâche d'Othello est finie. Est-il possible, monseigneur? Misérable, tu me trouveras que ma bien-aimée est une putain. N'y manque pas, n'y manque pas. Donne-moi la preuve oculaire, ou bien, saisissant Iago à la gorge, pour le salut de mon âme éternelle, il eût mieux valu pour toi être né chien que d'avoir à répondre à ma fureur en éveil. En est-ce donc venu là? Fais-moi voir la chose, ou du moins, prouve-la moi si bien que la preuve ne porte ni charnière ni tenon auquel puisse s'accrocher un doute. Sinon, malheur à ta vie. Mon noble maître, si tu la calomnies et si tu me tortures, cesse à jamais de prier, renonce à toute conscience, accumule les horreurs sur la tête de l'horreur, commets des actions à faire pleurer le ciel et à épouvanter toute la terre. Tu ne pourras rien ajouter à ta damnation de plus énorme que cela. Oh, grâce divine, au ciel, défendez-moi. Êtes-vous un homme? Avez-vous une âme ou quelques sentiments? Dieu soit avec vous. Reprenez-moi mon emploi. Ô misérable niais qui a vécu pour voir ton honnêteté transformée en vice, ô monde monstrueux, sois témoin au monde qu'il y a danger à être franc et honnête. Je vous remercie de la leçon, et à l'avenir, je n'aimerai plus un seul ami, puisque l'amitié provoque de telles offenses. Il va pour se retirer. Non, Iago, demeure. Tu dois être honnête. Je devrais être raisonnable, car l'honnêteté est une folle qui s'aliène ce qu'elle sert. Par l'univers, je crois, Iago, que ma femme est honnête, et crois qu'elle ne l'est pas. Je crois que tu es probe, et crois que tu ne l'es pas. Je veux avoir quelques preuves. Son nom, qui était pur, comme le visage de Diane, est maintenant terni et noir, comme ma face. S'il y a encore des cordes ou des couteaux, des poisons ou du feu, ou des flots suffocants, je n'endurerai pas cela. Oh, avoir la certitude. Je vois, monsieur, que vous êtes dévoré par la passion, et je me repens de l'avoir excité en vous. Vous voudriez avoir la certitude? Le voudrais-je? Non, je le veux. Vous le pouvez. Mais comment? Quelle certitude vous faut-il, monseigneur? Voudriez-vous assister, bouche béante, à un grossier flagrant délit et la regarder saillir par l'autre? Mort et damnation! Oh! Ce serait une entreprise difficile, je crois, que de les amener à donner ce spectacle. Au diable, si jamais, ils se font voir sur l'oreiller par d'autres yeux que les leurs. Quoi donc? Quelle certitude voulez-vous? Que dirais-je? Où trouverez-vous la conviction? Il est impossible que vous voyiez cela, fussent-ils aussi pressés que des boucs, aussi chauds que des singes, aussi lascifs que des loups en rute, et les plus grossiers niais que l'ignorance est rendue ivre. Mais pourtant, je le reconnais, si la probabilité, si les fortes présomptions qui mènent directement à la porte de la vérité suffisent à donner la certitude, vous pouvez l'avoir. Donne-moi une preuve vivante qu'elle est déloyale. Je n'aime pas cet office-là. Mais puisque je suis entré si avant dans cette cause, poussé par une honnêteté et un dévouement stupide, je continuerai. Dernièrement, général, j'étais couché avec Cassio, et tourmenté d'une rage de dents, je ne pouvais dormir. Il y a une espèce d'homme, si débraillé dans l'arme, qu'ils marmottent leurs affaires pendant leur sommeil. De cette espèce est Cassio. Tandis qu'il dormait, je l'ai entendu dire « Suave Desdemona, soyons prudents, cachons nos amours. » Et alors, monsieur, il m'empoignait et m'étreignait la main en s'écriant « Oh, suave créature !» Et alors, il me baisait avec force, comme pour arracher par les racines des baisers éclos sur mes lèvres. Il posait sa jambe sur ma cuisse et soupirait et me baisait, criait alors « Maudite fatalité qui t'a donné aux morts !»« Oh, monstrueux, monstrueux !»« Non, monseigneur, ce n'était que son rêve. » Mais il dénonçait un fait accompli. C'est un indice néfaste, quoique ce ne soit qu'un rêve. Et cela peut donner corps à d'autres preuves qui n'ont qu'une mince consistance. Je la mettrai tout en pièces. Non, soyez calme. Nous ne voyons encore rien de fait. Elle peut être honnête encore. Dites-moi seulement, avez-vous quelquefois vu un mouchoir brodé de fraises aux mains de votre femme? Je lui ai donné un, comme tu dis. Ça a été mon premier présent. Je ne le savais pas. C'est avec un mouchoir pareil. Il est à votre femme, j'en suis sûr, que j'ai vu aujourd'hui Cassio s'essuyer la barbe. Si c'est celui-là, que ce soit celui-là ou un autre, s'il lui appartient, c'est une nouvelle preuve qui parle contre elle. Oh, si ce gueux du moins avait 40 000 vies, une seule est trop misérable, trop chétive pour ma vengeance. Je le vois maintenant, c'est vrai. Écoute, Iago, tout mon fol amour, je le souffle comme ceci, à la face du ciel. Il a disparu. Surgis, noire vengeance, du fond de ton enfer. Cède, ô amour, la couronne et le trône de ce cœur à la tyrannique haine. Gonfle-toi, mon sein, car ce que tu renfermes n'est que langue d'aspic. Je vous en prie, calmez-vous. Oh, du sang, du sang, du sang. Patiente, vous dis-je. Vos idées peuvent changer. Jamais, Iago. Mes pensées de sang, dans leur marche violente, ne regarderont jamais en arrière. Jamais elles ne reflueront vers l'humble amour, mais elles iront s'engloutir dans une profonde et immense vengeance. Oui, par le ciel de marbre qui est là-haut, au juste respect de ce vœu sacré, j'engage ici ma parole. Il tombe à genoux. Ne vous levez pas encore. Iago s'agenouille. Soyez témoin, vous, lumière toujours brûlante au-dessus de nous, vous, élément, qui nous pressez de toutes parts. Soyez témoin qu'ici Iago voue l'activité de son esprit, de son bras, de son cœur, au service d'Othello outragé. Qu'il commande, et l'obéissance sera de ma part, tendresse d'âme, quelque sanglant que soient ses ordres. Ils se relèvent tous les deux. Je salue ton dévouement, Iago, non par de vains remerciements, mais par une reconnaissante acceptation, et je vais dès à présent te mettre à l'épreuve. Avant 3 jours, viens m'apprendre que Cassio n'est plus vivant. Mon ami est mort, c'est fait à votre requête, mais elle, qu'elle vive. Damnation sur elle, l'impudique coquine. Oh, damnation sur elle. Allons, éloignons-nous d'ici, je me retire, afin de me procurer des moyens de mort rapides pour le charmant démon. À présent, tu es mon lieutenant. Je suis votre, pour toujours.